Bonjour, vous écoutez les amateurs de Mac, bonsoir. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ici au Québec, on parle depuis 80 jours de la grève étudiante. On n'a même pas parlé du fait qu'il y avait une température dégueulasse depuis 2 semaines et qu'on n'avait pas d'été. Ouais. Non, ouais. Ouh, de printemps. Ouais. Spin that wheel, DJ Miller. Yes. Bienvenue, comme je le disais, aux amateurs de Mac, bonsoir. Votre show de questions, en fait, c'est vos questions puis c'est nos réponses, qui est hebdomadaire aux semaines. Oui. Mais là, on commence à avoir tellement peu de questions, on va peut-être le faire aux 2 semaines. Il va falloir faut faire preuve d'imagination, les auditeurs. Avec moi, pour animer ce show, comme d'habitude, on a Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, très bien, toi? Oui. Passe une bonne semaine. Oui. Oui, t'es allé manifester tout nu la semaine passée, non? Non, j'étais avec toi. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On est allé voir The Avengers, t'as bien raison. Oh. On est allé voir ça. Ouais. Et Vincent, comme toujours, Producer Miller, qui est avec nous, qui est celui qui tire toutes les ficelles, les jingles en arrière et tout ça, c'est tout lui. On a tellement de jingles en plus. Ouais, ça va... ouais, c'est ça. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Oui. Tu nous as montré, on va en parler brièvement, là, sans, tu nous as montré quelque chose, en fait, pour peut-être des vidéos au niveau de Mac Québec qui vont s'en venir éventuellement, ou en fait, une petite intro vidéo de Mac Québec. Une extra. En fait, la fin d'un vidéo. Ah, OK. Ah, c'est à la fin? OK. C'est la fin, oui. Ah, oh, au début, à la fin. Ouais, ben, okay. Moi, ça peut faire pour les deux. C'est une animation en 3D du logo de Mac Québec. Qui va avoir dans les lettres, c'est en profondeur. De toute façon, il y a un tuto que je suis en train de préparer qui va l'inclure. Ça va être une dizaine de secondes. Une animation en trois dimensions avec trois caméras différentes sur trois plans. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé Oui, c'est bien fait. Fait que je suis content d'avoir trouvé ce tutoriel-là. Ça a pris un certain temps avec After Effects, là, mais une fois que c'est fait, c'est très beau. Moi, j'ai passé une bonne semaine jusqu'à il y a à peu près 15 secondes où quelqu'un sur le chat commence à dire que je suis dangereux quand on est tout nu autour de moi. Je vois pas de quoi il parle. Je sais pas, mais j'ai pas eu peur. J'ai deux enfants avec la même femme. C'est sûr que, bon, j'ai pas un corps de dieu grec tout nu, mais bon. Anyway. Dieu scandinave. Dieu scandinave, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, là, il y a la charmante journaliste de la Gazette qui. Tu sais, t'es journaliste, là, t'as pris des cours là, à l'université, tout, t'es payé, toi, puis là, tu t'en vas sur Twitter pour dire que le monde sont mal fait, puis sont lettres tout nu, tu sais. Fait que. Je sais pas si vous avez vu ça, là. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, on l'a vu. On a un nouveau site web qui est sorti vendredi passé. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé? Ben non. Vincent, je te laisse nous parler un peu de ce site web-là, vu que tu es un des deux grands architectes derrière ça. Oui, on est très contents. Très content. On a poussé le site vendredi passé à 7h le soir. Effectivement, on est très content du site. Il y a certains petits problèmes là, en ce moment là, au niveau du feed RSS, mais on est en train de régler ça. Puis ben, ça déroule un peu sur l'application, mais ce ne sera pas très long qu'on va régler ce problème-là. On est très content, effectivement, plateforme 2.0, dessin complètement différent. On a vraiment fait un build from scratch pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Il n'est plus rendu aussi lent qu'avant, là, on s'entend. Aussi, on a réglé le problème des problèmes de cache. On a trouvé un bon plugin pour faire un nettoyage de cache à chaque fois qu'on fait un article, pour être sûr que quand vous allez sur le site soit toujours à jour, que vous n'ouvriez pas le site avec la cache que vous avez dans votre ordinateur, puis que finalement vous passez à côté d'un post ou donc d'un article. Ensuite, vidéo plus facile pour lire les tutos. Bande d'essai, on a vraiment déplacé ça. Il y a un beau slider aussi en avant. On va présenter le banc d'essai, le concours. Là, on parle d'un de nos podcasts, puis il y a le WWDC, mais on va présenter les grands événements prochains. Donc vraiment, on est très contents. On aime vraiment la plateforme là, en ce moment. D'ailleurs, pour le WWDC, ça s'en va vers ça, mais on devrait aller on tour à Sherbrooke. On va probablement aller chez Patrick Ducharme pour tourner le show. Donc, on en jasait cette semaine avec Monsieur Ducharme sur Twitter, qui voulait savoir quel type de micro il pouvait peut-être se prendre. Il veut venir avec nous autres sur le show, évidemment. Donc, vous les gars, qu'est-ce que vous avez comme micro? Moi, j'ai un micro à frigidaire inclus dedans, air climatisé, tout. La fan, le compresseur. Non. J'ai un... Voyons, c'est quoi? Audio-Technica. A200. AT2020. AT2020, oui, merci. Fait que... je connais le numéro de série de mon micro, c'est l'enfer. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que... à part qu'on entend mon frigo quand je suis à côté, il va très bien. Marche très bien. Combien t'as payé ça? Autour de combien? 120-130 $. OK. Toi, Vincent, c'est quoi? Moi, j'ai le fameux Snowball de la compagnie Blue qui fonctionne très bien. Puis je l'avais vraiment pas payé cher. En plus, il y avait une promotion dessus. Je voulais l'acheter, mais j'attendais. Puis je pense que c'était une promotion à 59 $. C'était vraiment pas cher. Wow. Il y avait une liquidation. Fait que... Qu'est-ce que t'as dit? OK. Non, j'ai dit « Wow, je pense que t'as un bouton, toi, en plus, en arrière, pour le mettre unidirectionnel, omnidirectionnel, un 360, puis omnidirectionnel cathoïde ou je sais pas trop. Je connais pas la troisième option, mais effectivement, si on le met au centre d'une table, on pourrait enregistrer toute une conversation. Des fois, c'est plus simple quand on se rencontre, puis on veut pas nous entendre dans tous les micros. Là. On veut pas m'entendre dans tous les micros. Ben moi, au son comme ça, j'irais probablement plus avec le Snowball. Qui semble en fait donner un petit peu un meilleur résultat, mais en même temps, on sait que tu n'as pas de frigidaire dans ta chambre, Vincent. Fait que c'est sûr que le test est un petit peu biaisé. Exactement. Ouais. Mais pour le prix, le Snowball, je pense que c'est un bon choix. Pour ma part, ben là, c'est tout un attirail. Là. C'est un H4N qui est un petit enregistreur externe qui peut servir de carte de son. Qui est plugué en USB à mon ordinateur, puis un micro à connecteur XLR. Là, donc, il y a quand même un peu plus de sous d'investi là-dessus. Donc, peut-être pas aller vers ça. Donc, rapport qualité-prix, là, probablement celui de Vincent. Sinon, ben, on a une question un petit peu plus tard justement qui va revenir là-dessus que notre ami Chendo nous a posé sur Twitter, fait qu'on va pouvoir la poser. Est-ce qu'on a déjà des questions? Deux questions, mais on a d'autres choses à parler. Ouais. On a le concours Mac Québec du mois de mai en ce moment qui est pour gagner, si je ne me trompe pas, un Kensington Folio. Qui est offert par Mario Gaucher, un collaborateur sur le forum de Mac Québec et sur Mac Québec Entraide, qui est un gars qui est très, très présent et qui répond à beaucoup, beaucoup de questions. Je pense qu'il commençait une nouvelle job cette semaine. On lui souhaite bonne chance. Puis il s'est acheté ça, il trouvait ça trop gros, puis il a décidé de le donner à la communauté. Mac Québec avec qui il participe beaucoup. Donc, on le remercie. Et puis, on a déjà quand même pas mal de participation. Je pense qu'on est proche d'une vingtaine. Donc, on est le tiers du mois. On a déjà... j'en ai vu rentrer beaucoup comparé à l'ancien. Puis ça fait ouais. 6 jours même. Ben, c'est un prix d'une valeur un petit peu plus intéressante. Puis, ouais. faut dire que le Smart Cover, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont acheté. Fait que, tu sais, le gagner une deuxième fois, c'est peut-être un peu plus plate. On a le d'ailleurs, il faut que... je vais me faire chicaner, mais il faut que j'envoie le Smart Cover. Je me suis même fait faire un tag par Jonathan Laberge, puis il me dit « Ah ouais, envoie-le ». Fait qu'il faut que j'envoie ça, je vais m'occuper de ça demain. Donc, c'est ça, on a le Kensington Folio. Et pour le mois prochain, on va avoir d'autres choses qui vont être annoncées. Donc, les concours durent comme ça un mois sur le site de MacQuébec. Vous pouvez y aller. Ils sont bien annoncés, surtout sur le nouveau site qui est plus visuel. C'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, je me suis même... j'ai commencé à écrire des articles sur MacQuébec. Au début, mais toujours pas sur ton site? Non, c'est ça, toujours. Okay. Non, pas là. Ouais, tu couperas ça au montage. puis il le coupera même pas parce que... Il fait straight comme ça. C'est bon. Donc, c'est ça, sur le site de MacQuébec, vous pouvez participer au concours. Et puis, participez pas 50 fois, là, on prend juste les noms une fois, on les envoie à la firme Samson Belair de l'Oeil des Touches, puis eux autres font un tirage dans un chapeau. Là. C'est le chapeau de Samson Belair de l'Oeil des Touches. Oui, c'est le choix-peau. C'est le choix-peau. Oui. Ouais, il parle, il dit le nom. Oui, exactement. Excellent. Il y a aussi un sondage cette semaine. Ah, oh, il y a un nouveau sondage? Ben oui. En fait, le sondage est sorti juste après le nouveau site. Donc, sondage cette semaine qui a plus de votes que celui qui avait duré comme 2-3 semaines au moins. Quelle méthode employez-vous pour sauvegarder vos données? Le sondage d'avant, c'était... Faites-vous vos backups régulièrement? En faites-vous? Je suis en train d'ouvrir la page... Si on n'avait pas donné les... En tout cas, c'était une grande majorité qui sauvegardait. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'était une très grande majorité qui faisait des sauvegardes. Donc, tant mieux. Faut dire qu'avec un Mac, c'est assez facile. Tu n'es pas obligé d'avoir de logiciel externe, c'est tout inclus. Puis, Time Machine, c'est assez le fun à utiliser quand tu veux faire un backup, une restauration d'un fichier quelconque. C'est assez le fun. C'est tellement beau. Effectivement. Fait que, allez voter... on va changer ça probablement là, dimanche pour un nouveau. Là. Il y a une vidéo aussi qui traîne sur le site de MacQuébec qui est l'installation de deux disques durs dans un MacBook. C'est pas toi, Vincent, qui a fait ça? Oui, puis ça a été... Ouais. Oui, je savais pas que la vidéo allait être aussi lourd que ça pour l'envoyer sur YouTube, vraiment. Là. Oh, OK. C'est à presque un gig. OK, quand même. Oui, c'est quand même assez long. Mais oui, j'ai fait une vidéo, j'ai reçu mon Data Doubler, une espèce de support pour mettre mon SSD, pour remplacer mon lecteur CD dans mon Mac. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis dit, tant qu'à être, on va le filmer pour le montrer. Puis j'ai eu des bons commentaires, justement, il y a du monde qui se posait la question, donc tant mieux. C'est le fun d'avoir un tutoriel en français. Il y a eu 242 views à date dessus, donc on invite les gens à aller le voir. On peut inviter aussi les gens à aller donner une note à l'application de MacQuébec, qui est disponible sur iTunes, évidemment. Et oui. Passe directement dans les listings de podcasts, ce qui nous permettrait, faut le dire, là, dans les podcasts audio francophones, on est quand même le troisième au Québec. Donc, c'est sûr que j'utilise plein de mots pour que, tu sais, on soit pas tant que ça, là, mais l'analyse des geeks et Radio Talbot sont en avant de nous, mais souvent, on est en troisième position dans ça, ce qui nous met à peu près 182e là, dans le listing. As-tu fini de faire de la pub pour McDo? Il est rendu le roi, l'empereur. Podcast McQuébec présenté par McCafé. Ça, c'est ça que je vais couper. À un moment donné, le clown va t'appeler et il va dire « On va sacrer Alexandre dehors, Alexandre Despatie, puis tu veux-tu venir le nouveau porte-parole? » Eddie King. Mm-hmm. Ah, c'est Eddie King les pubs à radio, là. Ah, non. Ouais. J'écoute pas ce poste-là. Tu parlais du sondage qu'il y a eu. Vous utilisez quoi comme méthode de backup? Moi, pour ma part, j'étais un peu freak. Fait que j'ai My Time Capsule et j'ai un disque dur externe qui est une fois par mois que je vais le chercher. je fais un backup et je vais le reporter qui est dans un coffre. OK. Juste pour okay. être... Puis tu utilises quoi pour faire ce backup-là? Time Machine. Ah, c'est un Time Machine aussi? Ben, ouais, je fais les deux Time Machine. OK. Moi, tant qu'à faire un backup comme ça, ce que je te suggérerais plutôt, ce serait probablement que le disque que tu sors de chez toi, ce soit un backup bootable et que tu le fasses avec Carbon Copy Cloner ou avec Super Duper, par exemple. Okay. Comme ça, si jamais tu as besoin de travailler comme rapidement, ben c'est sûr que ton backup est un petit peu vieux, mais tu vas le rechercher dans le coffre, tu le plugues à ton ordi, puis tu peux booter directement sur le disque dur externe s'il est en FireWire. Donc, ça devient intéressant. Surtout que tu as déjà le Time Machine. Oui, c'est ça. Il y a Nicolas dans le chat qui dit « Je suis un backup freak, mais quand ça t'arrive, une fois que tu perds toute ta librairie de chansons, tu veux brailler ta mère. » Ouais. Surtout que Napster, comme dans le bon vieux temps, n'existe plus. Non, c'est ça. Fait que tu veux brailler ta mère quand tu perds. Quand t'as un ordinateur, ton disque dur lâche, là, puis t'avais pas de backup, rien, là. Ça fait mal au cœur. Toi, Vincent, tu utilises quoi comme méthode de backup? Un disque dur externe que je branche dessus. J'ai trouvé une super de belle. Dans l'œil, je vais en parler, mais. Un logiciel puis une compagnie qui s'appelle Just Cloud, qui est une compagnie de backup, puis c'est un abonnement que tu peux avoir en ligne pour une sauvegarde en ligne. Ce qui est pratique, c'est qu'avec ce service-là, je pense que ça coûte un 7 ou 8 $ par mois. Il y a souvent des promotions de 70% de rabais, là. Puis une fois que vous avez ce rabais-là, qui coûte à peu près 8 $ avec les taxes par mois, c'est une sauvegarde automatique illimitée. Donc, vous n'avez pas de limite d'un tera ou de 2 tera. C'est vraiment... Il n'y a pas de limite. Quel service, ça? Just Cloud. Je vais le rajouter. Justcloud.com. Just Cloud. Vous irez voir ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, le backup a l'air de bien se faire. Sauf que moi, malheureusement, j'ai juste 90 gigs de in-out en data là, avec mon... Puis ben je peux pas vraiment l'utiliser parce que je le dépasse à tous les mois. Je suis obligé de payer un 60 gigs de plus à tous les mois, en fait. Donc, c'est ça le problème avec l'info nuagique, c'est que la bande passante, un pour l'upload, pour l'envoi, la vitesse d'envoi, et ensuite de ça, le fait qu'on a une limite au niveau de la bande passante, c'est très mauvais pour ce genre de business-là. Et on s'en va tous vers ça. Ouais, ça va être l'enfer, là. T'sais, comme j'apprenais cette semaine que la supposément prochaine Wii U qui va sortir l'an prochain, ils vont mettre aussi les jeux sur le cloud. T'sais, je veux dire, il va falloir que tu télécharges. Ça va être. Ouais, mais quand même. Que ce soit du streaming ou pas, même si t'as. Ils citent Vidéotron avec leur haute vitesse, là, c'est quoi? C'est 40 gigs, je pense, dans le mois? C'est peut-être un peu plus. Moi, j'ai 15 mégabits, puis j'ai 90 gigs. Ouais, c'est ça, mais ça 15, mais c'est ça. L'autre, c'est 7 mégabits. Fait qu'en tout cas, whatever, grosso modo, 90 gigs par mois. Mais c'est pas beaucoup. C'est ça, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est comme, ça va être malade, là, tu sais, c'est comme les prochaines consoles qui s'en viennent, là, les freak gamers, là. Mais ça suit pas, c'est ça qui est plate. C'est ça, ça suit pas. Vidéotron, Bell, toutes ces compagnies-là suivent pas. Puis, ben, tout le monde arrive dans le cloud. Suivent ton portefeuille, par exemple. Ben oui, parce que... C'est ça, ça, ils suivent en clisse. Ben, ouais. quand ils font des augmentations, là, t'sais, blablabla, là, on augmente la vitesse, ils augmentent ça de 5 mégabits, là, t'sais, c'est une joke, là, t'sais, ouais. C'est en download, c'est même pas en upload. Non, c'est ça, c'est le download, on s'en fout, là, t'sais, j'ai 30 mégabits, moi, je donnais moins, t'sais, on a 2 mégabits, c'est 2 chez Vidéotron qu'on a, fait que, d'upload, fait que, donnez moins 4-5, là, vierge, ça change rien, là, vos serveurs sont faits pour ça, là. J'avais lu quelque chose, puis je sais pas si c'était évident pour tout le monde. Là. Peut-être que j'ai lu ça puis finalement tout le monde le savait. Puis... Mais les compagnies qui bloquent, si j'ai 15 mégabits, je pense que j'ai 1.5 en upload. Okay? Mm-hmm. Ce 1.5, là, ça change strictement rien pour eux de mettre 15-15. Normalement, au niveau du système de base, c'est 15-15, ils pourraient le mettre. Ils pourraient mettre 15 mégabits en upload puis en download aussi. Le problème, c'est ça, ils décident de le limiter puis tout le monde fait la même chose. Comme ça, eux, ils ont moins de bandes passantes à utiliser. Mais c'est aussi parce qu'ils veulent pas que tu deviennes un fournisseur de services quelconque. C'est ça. Ils veulent pas que chez vous, t'installes, t'ailles la meilleure idée demain matin, là, tu partes le Dropbox 2 ou je sais pas quoi, là, tu sais, puis... Le Instagram. Ou le nouveau Instagram, puis que là, t'oses ça chez vous, là, ça, ils veulent pas ça. De toute façon... C'est ça que l'upload, c'est toujours de la boîte, puis qu'ils veulent que tu sois dans un data center. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis en plus, les fournisseurs, ils bloquent beaucoup les ports, fait que... Oups, Vincent, tu viens de planter! Ah non, t'as bloqué. Ah, il vient de réparer. Ça plante de temps en temps, là. Ouais, bon. On tient à rappeler, en fait, parce qu'on se le fait beaucoup demander, pourquoi on utilise la plateforme Spreecast. On le répète souvent, mais c'est parce qu'on se le fait dire souvent. Oui, je Donc, sais. Oui, c'est en flash, là. On est au courant, là. Puis c'est pas parce qu'on a un produit Apple que le flash peut pas rendre des services. En l'occurrence, il est impossible en HTML5 d'avoir plusieurs feeds vidéo qui sont repiqués et présentés de la façon... Parce que là, les deux autres gars sont pas à côté de moi. Là. On run pas ça à une machine puis le kit. Comme par exemple, chez iMore, ben, eux autres, ils ont 6 PC connectés à un Mac Pro. Puis c'est le Mac Pro qui fait le montage avec un logiciel. Tu sais, c'est du setup. Si vous êtes capable de nous envoyer des machines qui roulent Windows 8, puis une coupe de Mac Pro, on va le faire, tu sais, mais bon. Ce que j'allais dire, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui est tanné qu'on aille flash, ben écoutez, envoyez-nous un Mac Mini. Tu sais, juste un Mac Mini, un petit Mac Mini 600$. On va parler à chaque fois dans l'émission que vous nous avez fait un don de Mac Mini. Puis moi, je pourrais le mettre à côté, envoyer le feed, prendre les 3 feeds en HTML5, puis l'envoyer. Donc, s'il y a quelqu'un qui décide... Donc, j'annonce ça. S'il y a quelqu'un qui décide de nous envoyer un Mac Mini, moi je suis prêt à pousser du HTML5 là, avec les 3 feeds. Donc, c'est envoyé. Dean nous dit qu'il va nous en envoyer un. J'allais faire une blague. J'allais demander, en fait, faire un sondage. Si je revois Dean, est-ce que vous voulez voir une vidéo sur Mac Québec de... on éclate son Android à terre, tu sais. Mais là, s'il nous envoie un Mac Mini, mettons qu'il est safe, il achète la sécurité, tu sais. Ouais. Fait que, on fera pas ça. Mais juste une main qui sac un Android à terre, puis l'extro que tu nous as fait cette semaine, genre Mac Québec. C'est ça serait écœurant. Hein, ouais, il veut pas. Faudrait trouver un son par contre pour ça. Je sais pas. C'est un extro qui dure à peu près 12 secondes. Là, fait qu'il faudrait trouver un son. Ouais. Je vais vous quitter 30 secondes, je reviens. Pas de problème. On a des questions en ligne. On va les prendre. On n'a pas de code, je pense, cette semaine. De promo code. J'ai fait quelques demandes sur les applications les plus... J'ai essayé de demander à EA pour un promo code pour Kings of Fighter. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils me répondent. Puis sinon, j'en ai demandé pour d'autres applications. Je me souviens plus trop. On peut être étonné parce que Pixelmator, je pensais... ou Clean My Mac, je pensais jamais qu'elle allait me répondre. Puis finalement, okay. Ils m'ont répondu puis ils m'ont donné des licences. Fait que... On sait jamais. Là. Monsieur Ducharme qui dit, connaissez-vous une application iPad qui permet de se connecter à une machine virtuelle et qui permet d'avoir également le son de la VM sur l'iPad? C'est une maudite bonne question. Moi, j'en connais une. Toi, t'en connais une? Oui. En fait, ça s'appelle ce que je vais vous donner comme tutoriel bientôt. C'est ça, exactement, SlashTop, ce que Mathieu T nous dit sur dans le chat. SlashTop, c'est on peut l'utiliser Splash comme... Top. SplashTop, oui. SplashTop Streamer, qui est dans l'ordinateur, transfère ce qui est visuel de votre ordinateur vers votre iPad, mais en plus, transfère le son. Donc, met votre ordinateur sur le mute, puis transfère le son sur votre iPad. Donc, ce serait pratique. L'application, par contre, sur iPad, je pense qu'elle vaut 19$ ou 29$, un des deux. Okay. Nous, on l'a eu grâce à la compagnie. Puis l'application gratuite qui s'appelle Splash Top Streamer sur Mac ou PC. Les deux sont disponibles. Donc, si jamais vous vouliez installer Windows 8, que je vais faire la tuto cette semaine, j'ai installé aujourd'hui, ça va assez bien. Fait que je vais l'installer, puis je vais vous faire un wrap. Avec le SSD, quand parce que Windows, ça a l'air qu'il garde en mémoire, mettons, tu le fermes, puis tu le réouvres, ça a l'air que ça prend comme 10 secondes là, avec un SSD là, au démarrage. Ça s'éteint extrêmement vite. Ça prend 3-4 secondes, puis c'est déjà tout éteint. Puis redémarrer. Le démarrage, ça va assez vite. Par contre, pendant un certain temps, ça roule au niveau du... tu vois ton icône grise avec ton nom, le user, puis tu vois la espèce de nouveau... pas widget, là, mais l'espèce de curseur qui tourne. Puis ça prend quand même au moins une dizaine de secondes, là, 10-15 secondes au moins. Ça va un petit peu plus vite avec le Mac, là, quand même. Puis ça, c'est en VirtualBox, fait que, bon, je sais pas si... je l'ai pas essayé encore en boot. En bootcamp, OK. Il y a Benoît qui nous envoie le même Mac Québec de la semaine. Ça fait 3 semaines qu'il fait ça. Je vais vous donner le lien. Vous allez pouvoir aller voir ça. Une seconde, où est-ce que c'est? C'est ça ici, je crois. Voilà, donc si vous cliquez là-dessus, vous allez voir le même de la semaine, le même Mac Québec de la semaine. C'est le quatrième invité qui est le quatrième co-animateur qui serait le Doctor Who. Mm-hmm. Donc, bienvenue Doctor Who. Ouais, la semaine passée, on avait Jean Charest. Oui, voilà. Mais on ne l'a pas laissé parler. Non, c'est ça. Donc, Danick Tremblay, quel serait le best pack de 3 ou 4 logiciels pour faire du support ou du débogage sur Mac? Écoute, moi je pense que Diskwire, Data Rescue et Applejack seraient 3 excellents logiciels à avoir soit installés sur une machine ou sur un disque dur externe. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent rendre des services. Là. Applejack, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Je sais pas. Parce qu'il faut dire aussi qu'Applejack, il faut le partir en super user. C'est pas une application. Là, c'est qui... Non, c'est ça. C'est faut que ce soit installé sur l'ordinateur puis que tu le démarres à partir du single user. Single user, oui. Donc, c'est en ligne de commande quand tu démarres l'ordinateur. Mais ce serait probablement les trois logiciels. Diskwire, c'est vraiment ça fonctionne très bien. Là, les disques durs qu'on déconnecte trop rapidement puis qu'on corrompt l'index, en fait, là, si on veut. La section au début du disque qui fait que ça dit à l'ordinateur, il y a ça sur le disque. Diskwire va faire une bonne job pour réparer ça. Et si Diskwire n'est pas capable de passer, de le réparer, à ce moment-là, Data Rescue serait probablement en mesure de le réparer. By the way, il y a une question que je me pose. Je pense que c'est légitime, j'ai essayé de faire récupérer des données à un moment donné sur un disque dur sur lequel j'avais passé du Data Rescue. Mm-hmm. Et le gars au centre de récupération de données m'a dit « T'as-tu passé un logiciel dessus? » Puis j'étais comme « C'est quoi la bonne réponse? » Moi, ouais, c'est ça. Ah, non. Pourquoi? Il dit « Ben, parce que quand tu utilises un logiciel de restauration de données, tu peux empirer le problème de récupération de données. Tu peux empirer le problème. » qu'il y avait sur le disque dur. Fait que c'est comme dur, mais il y a beaucoup de cas. Si le disque dur fait un bruit ou des trucs comme ça, c'est quelque chose de physique dedans. Donc, essayez même pas de récupérer des données. Mais s'il fait bruit, moi, je m'essayerais à passer Data Rescue dessus. Si c'est un problème qui est logiciel, il n'y a pas de problème, tu peux rouler un logiciel comme ça. Mais si c'est physique, puis en plus que tu demandes, parce que faire une restauration de données, ça demande beaucoup de puissance à la machine, puis ça demande, je veux dire, tu demandes beaucoup à ton disque dur, là, tu demandes de travailler, d'aller dans tous les coins du disque dur. Effectivement, ça doit être une opération très, très risquée quand tu as un problème physique sur ton disque dur. Juste une petite seconde, et Onyx pour la maintenance. Voilà. Pourquoi t'as froid? Je sais pas, Mathieu dans le chat dit que j'ai froid. Ah, ok. J'ai mis dans la fenêtre Diskwire, Data Rescue et Applejack. Puis je rajoute Onyx pour la maintenance, qui est un très bon logiciel. Fais plus ça d'où? Ouais, moi j'utilise Cocktail. Ah oui, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Cocktail est payant, mais Onyx, il ne l'est pas. T'sais. Mais de grâce, ceux qui écoutent le show, là, rappelez-nous pas pour savoir si Mac Keeper, c'est un bon logiciel. C'est de la bouette. Bon, c'est tout. Oui. Je sais que Vincent l'a essayé, puis tout. Je pense que tu l'as encore sur ton ordi, là, mais c'est. Non, tu l'as plus? OK. Non, c'est la chenoute. OK. Oui, c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Excellent. On se demandait, on était en train de faire le document à soir, puis on se demandait si on allait faire assez long, puis tout, parce qu'on n'avait pas beaucoup de questions, puis je pense qu'avec le monde qu'il y a, on va essayer de répondre aux questions. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de synchroniser les bookmarks de Safari sur iPhone et iPad avec un furteur pour Mac ou PC via iCloud ou un autre moyen? Si je me trompe pas... Ah, en fait, c'est une fonctionnalité qui va apparaître, si je ne me trompe pas, dans Mountain Lion. C'est-à-dire que les onglets qui seront ouverts sur un autre appareil pourront. Tu pourras les ouvrir dans ton Mountain Lion, dans ton ordinateur. Donc, la synchronisation, comme il y avait au moment de Mobile Me, là, parce qu'on pouvait synchroniser les bookmarks. Une fonctionnalité qu'ils vont ramener. D'ailleurs, c'est mon dernier article. Ils ont prolongé la période. Apple, quand ils ont dit on va fermer MobileMe et on ouvre iCloud, ceux qui sont membres de MobileMe, on va vous donner pour le 100$ que vous avez payé pour l'année, on va vous donner 20 gigs de supplémentaires sur iCloud, même si pour 100$, tu peux t'en acheter 50. Et on va vous donner ça jusqu'au mois de juin. Ça, c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont dit. Et là, ils l'ont prolongé juste au mois de septembre. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dénote, mais d'après moi, il y a quelque chose qui va arriver au mois de septembre de ce côté-là. Là. Je ne sais pas, ils vont faire une refonte d'iCloud parce que... Pouf. Une refonte? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. À comparer des autres, là, comme les Dropbox puis les. C'est Apple, hein, c'est fermé. Hein, fait que tu peux pas faire comme Dropbox ou SkyDrive puis Google Drive. Là, tu peux pas mettre ce que tu veux dans ton iCloud. Il faut que tu passes par ton ordinateur. Tu peux juste mettre des documents puis tu peux pas. C'est pas tout à fait vrai. Tu peux. Le dossier, on l'avait déjà mentionné. Le dossier est caché. Se retrouve dans la librairie en quelque part. C'est possible d'en faire un raccourci sur le bureau et de l'utiliser la même façon. C'est sûr que c'est pas la même chose. T'sais, si Apple a voulu acheter Dropbox à un moment donné dans l'histoire, c'est parce qu'il voulait s'accaparer ces fonctionnalités-là. Maintenant, Dropbox a dit non, on ne se vend pas à vous. Fait qu'eux autres, ils ont continué d'évoluer. T'sais. Puis toutes les nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour tout le monde, le 12 en fin de semaine... Ouais, c'est ça. Y a un concours. Il y a une course au trésor chez Dropbox et c'est une course au trésor assez complexe. D'après moi, si Dean ou Vincent se mettent là-dessus, là, à cause de leur QI supérieur, ils vont probablement pouvoir passer au travers assez rapidement. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'espèce de jeu qui s'appelle No Prawn. N-O-P-R-O-N. C'est une espèce de jeu, pour connaître un peu le code HTML et tout ça, ce sont des espèces d'énigmes, mais des énigmes qui sont très, très reliées à Internet. Ça demande là, de se casser le basic assez solide et ils ont dit chez Dropbox que ça ressemblerait à ça. Donc, ça va prendre, en fait, ça va durer sur quelques jours et il y a quand même des bons prix à gagner là-dessus, dont un 100 gig Dropbox à vie. Je pense qu'il est un des premiers prix avec un Hoodies Dropbox. Je sais pas si quand tu mets quelque chose dans la poche, ça apparaît comme dans la poche d'un autre vêtement dans ce hoodies-là, mais ça donne quand même un 100 gig. Ouais, merci Vincent de l'avoir catché. Veux-tu que je fasse le son? Ouais, vas-y. Voilà. Donc, je vous invite à participer à ce concours-là en fin de semaine qui commence samedi matin. Moi, je me suis mis une alarme, là, je pense que c'est vers 10h, quelque chose comme ça. Voilà. On a une autre question ici. Combien de temps votre iTunes a-t-il pris pour terminer le processus d'iTunes Match? Je pense que c'est autour d'une nuit. Ça dépend, c'est ça l'affaire. C'est quand il est sorti au Canada, tu sais, j'ai été. Je veux pas me vanter, là. Mais j'ai été un des premiers qui a été capable d'acheter iTunes Match au Canada. OK. Parce que tu t'en souviens, il m'avait passé sur Mac Génération. Ah oui, c'est vrai. Puis ça avait pris une éternité. Okay. C'est surtout si votre bibliothèque est mal gérée. Si la bibliothèque de musique est mal gérée, lui. T'es-tu en train de t'insulter en même temps, là? Non, tu viendras voir ma bibliothèque iTunes, toi et ça. Hey, clean, mon homme, là, c'est pas comme certains que je connais. Bon. Fait que je sais pas s'il m'a compris, mais il va se reconnaître. Ah, justement. Fait que. Oui, c'est ça. L'animateur inconnu des amateurs qui est toujours là en arrière. Oui, la personne économique, section économique est en arrière. Oui, c'est ça. Fait que si votre bibliothèque iTunes est mal gérée, tout ce qui n'est pas reconnu par iTunes va être uploadé sur votre iCloud. Mais c'est ça qui est long. C'est très long de faire ça. Là, si vous avez, je sais pas moi... Faut en avoir beaucoup parce que moi, j'ai à peu près 1000 chansons puis ça a pris 2 heures max. Ouais, mais t'as juste 1000 chansons, les chansons? Moi c'est 24 gigs et ça a pris à peu près une nuit, là, comme faux. Ouais, c'est ça. Regarde, lui, il y a 20 gigs et 20 000 tunes, ça finit plus. C'est ça, c'est normal parce que je sais pas à combien il est rendu, là, parce que de toute façon, vous avez la fenêtre là, que c'est marqué « Je suis rendu à tel upload » de la patente. Mais c'est très long. Là. Moi aussi, ça a pris presque une nuit là, quand je l'ai acheté. Là, fait que c'est normal. Là. Fait que ça dépend évidemment aussi de votre vitesse d'upload. Oui, aussi. Si vous avez 500K, 1 meg, là, c'est comme on disait tantôt, c'est pas vite, 7, là, fait que c'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que plus que votre bibliothèque iTunes va être très bien gérée, moins ça va être long parce que iTunes va reconnaître ça, fait qu'il l'uploadera pas dans votre cloud, fait qu'il va prendre automatiquement les fichiers sur ses serveurs à lui. Mm-hmm. Fait que c'est ça le problème, fait que si c'est mal géré, c'est sûr que c'est plus long. Puis ce qu'on a appris aussi, c'est que la bibliothèque de musique que Apple propose en échange ou auxquelles sont associées les chansons n'est pas nécessairement la même bibliothèque de musique qui est vendue sur le iTunes Store. Donc, non. Il est possible que certaines chansons que vous ayez achetées de Apple ne soient pas reconnues par iTunes Match parce que pour ce producteur indépendant ou cette maison de disques ou quoi que ce soit, les ententes n'ont pas été signées encore. Ouais. Ou, mettons que tu as acheté un CD, comme dans le temps où j'avais acheté un CD, et quand je l'ai importé dans iTunes, il y a belle lurette, quand j'ai mis mon iTunes Match, la toune n'était pas la même. Oui, c'est possible aussi, effectivement. La toune n'était pas pareille. À un moment donné, c'était en espagnol. Puis là, un bout, dans la version qu'iTunes m'a téléchargée, c'était en anglais. Une partie de la chanson était en anglais. Fait que c'était un peu bizarre, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Fait que. Comme ils disent dans le chat, Google Music, c'est encore pire, là. C'est qu'il faut tout uploader sa musique dans Google. C'est pas comme iTunes Match, là. Il fait pas une comparaison, là. Fait que. C'est un locker, en fait. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'extérieur? Est-ce qu'un service comme ça, il devrait avoir des redevances de payer aux maisons de disques ou... Non, pas sur Google... Non, pas sur Google Play. Non, pas là-dessus, non. C'est ça. Donc, c'est un service où on upload et là, notre musique est dans les nuages et elle est disponible au streaming. Mais il n'y a pas de... Ben, peut-être qu'ils ont dealé ça. Là. Je sais que dans les premiers temps, les maisons de disques ont forcé pour que Google leur paye des redevances. Mais je vois pas pourquoi il y aurait des redevances. Tu sais. Oui, c'est ça. Pour iTunes Match, il y en a, c'est sûr. Ouais, parce qu'on paye pas pour Google Music. Parce que Google Music, je veux dire, c'est comme. C'est une espèce de Dropbox, mais juste musical. Fait que, tu sais, s'il fallait que Dropbox redonne à. Je sais pas moi, tu utilises un fichier Word, puis il faut que tu donnes une redevance à Microsoft, tu sais, des niaiseries de même. Là, je vais vraiment à la voler, mais c'est une espèce de Dropbox musical. Fait que si tu l'as acheté ta musique, je veux dire, t'as le droit d'y avoir accès n'importe où. Là. T'as ton ordinateur dans un café, mais t'as pas le droit d'utiliser ta musique dans un café, tu sais, c'est con comme ça. Là. C'est comme la loi qui disait que si t'écoutes ta musique trop fort, fallait que tu payes parce qu'il y a du monde qui entend autour de toi. Là. Ouais, c'est ça. Mais avec une qualité de marre, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça. J'ai-tu hâte qu'ils disparaissent les clowns qui pensent à des affaires de même? Non, mais c'est vrai, là, tu sais, du monde qui comprennent pas la business, là, puis qui sont en train de tu sais, qui nous demandent notre téléphone cellulaire à l'entrée d'un film, là. Ouais, parle-moi-en pas, je suis à ça en temps. Ouais. On va passer la question à Danick Tremblay, puis on va commencer sur les questions de documents. On en a des très intéressantes aujourd'hui. Je vais en avoir un autre après. OK. Donc, Vincent, dans un MacBook Pro, pouvons-nous avoir le SSD pour le système et le HD mécanique pour le data et ou logiciel ou machine virtuelle? Yes! C'est nous autres et qui voilà, le show comment. Est fini. Merci. Ah, bonne soirée. Oui, c'est donc, ça. Donc, on l'avait. En fait, c'est ça. C'est assez simple, mais. Assez simple. Je l'avais fait parce que j'avais jamais. Je savais vraiment pas comment. Puis, ça m'était jamais arrivé de l'essayer avec quelqu'un d'autre ou avec un autre ordinateur. Puis, GF, j'avais contacté par Skype. Puis, on a fait un Skype time pour quelques minutes, le temps qu'il me montre un peu. Comment le faire, mais oui, c'est assez simple. Faudrait que je fasse une deuxième vidéo niveau logiciel pour montrer comment. Ah ouais, c'est vrai. Ben, tu feras un deuxième vidéo quand tu t'achèteras un deuxième SSD et que tu les mettras en RAID 1 dans ta machine. Ça va tellement clencher. Ça va être malade. Ben ouais. Oui, donc c'est possible de le faire. En fait, c'est que moi, c'est ce que j'ai dans ma machine aussi. Donc, le disque dur, on met les logiciels pour qu'ils s'ouvrent très rapidement et on met le système d'exploitation pour qu'ils s'ouvrent très rapidement. Pour ce qui est des data, en fait, on peut demander, il y a une manipulation à faire dans les préférences système sous la rubrique compte utilisateur pour lui dire qu'on veut envoyer le compte utilisateur sur un autre disque dur. Et si vous choisissez le disque dur, la racine du disque dur, c'est lui qui va devenir votre petite maison. Donc, la petite maison est... Oui? Il y a une petite chose, par contre, quand j'ai voulu faire ça, il n'y a pas de transfert qui se fait automatique, donc vous devez copier tout votre fichier puis le mettre dans le nouveau disque dur. Voilà. C'est une chose qu'il faut faire attention. Parce que si vous faites le changement, puis que finalement... puis je vais faire une parenthèse après, mais c'est ça, finalement, vous ne l'avez pas, il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de transfert automatique qui se fait. Puis en plus... ce qui est conseillé aussi, c'est de créer un user dans votre premier disque dur avec le système, puis vos logiciels, parce que si jamais justement des disques durs plantent, vous pouvez y avoir accès quand même. Là. Voilà, pour réparer l'autre disque dur. Vous pourriez même faire une partition sur le disque dur, une petite partition, et y installer un système d'exploitation. Comme ça, si c'est le SSD qui plante, vous auriez comme un système d'appoint pour ouvrir l'ordinateur. Ouais. C'est sûr que c'est un long shot, là, mais ça pourrait être fait. Et by the way, dans un système comme ça, le Time Machine va aller chercher les données sur les deux disques durs. Oui, ça se fait automatiquement. Donc, voilà. Donc, oui, c'est très possible. Pour ce qui est des questions qu'on a eues cette semaine, parce qu'il est... Ouais, tout le monde est en ligne. J'allais dire, on va poser sa question en premier parce qu'il est en ligne, mais finalement, tout le monde ou à peu près qui a posé des questions est en ligne. Il y a Nicolas qui nous a posé probablement sur Mac Québec Entraide ou sur Twitter. Twitter. Est-ce que c'est possible de créer une deuxième adresse MobileMe et de l'utiliser dans l'iPhone sur l'app Mail? En fait, je pense que non, parce que la seule manière de créer une adresse MobileMe actuellement, c'est d'activer le service de mail ou d'activer le service de synchronisation de notes. Quand on a, si vous voulez, là, iCloud, on peut lui donner notre Apple ID pour le faire. Et notre Apple ID n'est pas obligé d'être une adresse MobileMe, mais à la minute où on veut le système de push notification pour les emails qui soient gérés par Apple, c'est automatiquement obligé d'être sur une adresse mi.com. Donc, dès qu'on va activer ça, à ce moment-là, il y a une adresse mi.com qui va être créée. En tant que tel, peut-être si vous avez un deuxième appareil iOS et que vous créez un deuxième compte dessus, oui, probablement qu'il y a les settings IMAP doivent se trouver sur Internet pour les configurer dans un vieux client. Par exemple, si vous avez migré avec iCloud et que votre ordinateur est encore sur 10.6, il faut que vous soyez en mesure de continuer à recevoir vos emails. Donc, les settings de configuration se trouvent sur Internet. Et probablement que vous allez pouvoir les faire aussi sur votre appareil iOS, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a testé. Puis je sais pas, je pense pas que ça va très bien marcher si les deux sont configurés en même temps. Je ne sais pas pourquoi vous voudriez ça. Moi, je suggérais d'aller chercher un adresse Gmail à la place. Ça, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez en avoir plusieurs de configurés dans votre appareil. Et ça fonctionne, ma foi, très bien, là, ces adresses-là. Mais pour l'email. Je sais que la personne qui nous a posé la question est en ligne. Pourquoi une deuxième adresse mi.com? Je suis curieux. Donc, on va lui laisser le temps de nous répondre. Sinon, il y a Louis. Apple n'a toujours pas fixé son problème de synchro entre Safari sur iPhone, iPad et Safari pour Mac et PC. Donc, le problème de synchronisation, c'est probablement la question de Mark qui nous posait tout à l'heure sur le chat. C'est probablement quelque chose qui va revenir. Effectivement, que c'était une fonctionnalité qui existait dans MobileMe et on en perd quelques-unes. On perd entre autres la gallery, on perd la synchronisation du keychain d'un ordinateur à un autre, on perd la synchronisation des bookmarks, effectivement. Mais d'après moi, Apple va revenir avec ces fonctionnalités-là là, en tant que telles, parce que en ce moment, et je ne suis pas censé en parler, mais qui est sur mon Safari. Moi, je suis en train de rouler Mountain Lion DP3, la troisième version, qui est sortie quelques... Et il y a un bouton nuage qui dit « Show iCloud Tabs ». Donc, j'ai l'impression que les... En fait, ça, c'est plus pour des tabulations, des tabs qui seraient ouverts dans un ou l'autre de vos appareils et là, qu'on pourrait récupérer à partir de là, mais j'imagine que s'ils font ça, ils vont faire aussi quelque chose pour les bookmarks. Ça devrait arriver. Sinon, on a eu une question de Ethan Bonamour sur Mac Québec Entraide qui nous demande « Est-ce que c'est possible de donner une série achetée sur iTunes Store à quelqu'un une fois qu'on a fini de la regarder? » C'est une bonne question. Non. Oui, c'est possible. Hein? Mais non. Oui. Mais tu vas être obligé de donner ton Apple ID. C'est ça, je dis, tu peux pas. Mais moi, je donnerais pas mon Apple ID là, à quelqu'un, là, je m'excuse. En fait c'est, okay. tu peux pas transférer de compte à un autre. Quoi. Non, c'est ça. Tu peux pas. Non. À cause de quoi? À cause des DRM. Et voilà. Si t'arrives, par exemple, chez quelqu'un, tu pourrais aller le déconnecter de son compte Apple ID, son compte Apple Store, ou son compte Apple ID, rentrer le tien, et là, tu aurais accès aux bibliothèques de séries télé. Effectivement, maintenant, tu peux les télécharger. En stream, tu peux les télécharger. Fait que une fois qu'ils sont, ben en fait tu peux pas les télécharger dans l'Apple TV, mais tu pourrais le faire dans ton ordinateur. Mais si tu rentres les informations dans l'Apple TV, il va y avoir accès. Après ça, il peut aller voir les séries télé qui sont disponibles. Effectivement. Tu sais, comme M. Ducharme, il dit, il a 150 pièces de crédit dans son compte à Apple, puis il ne donnerait pas son Apple ID. Moi non plus, je ne donnerais pas mon Apple ID, là. Fait que c'est comme... Même si tu n'as pas d'argent dans ton compte, là, tu sais, c'est quand même facile, là, tu sais, je veux dire... C'est ça, c'est possible, mais ça équivaut à donner ta carte de crédit à quelqu'un. C'est ça. C'est pas l'idéal. Mais Apple, en fait, a trouvé comme un bon moyen d'éviter toute polémique. Tu sais, les jeux vidéo veulent faire la même chose actuellement. Ils veulent pas que le jeu vidéo ait une seconde vie. Ils en parlent souvent à Radio Talbot, à l'analyse. Ils veulent pratiquement que le CD se détruise si tu le mets dans une autre machine ou dans une autre console ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, qu'il n'y ait pas de revente. Puis, je pense pas que ce soit pour éviter la vente de gré à gré ou le fait que moi, je prête un jeu à un ami, mais plus parce que les plateformes, pas les plateformes, mais les majors comme Best Buy, Future Shop, ont commencé à faire de la vente de seconde main. Et ils font en fait 100% du bénéfice sur un jeu qui vend 40$, alors qu'ils en font une très, très maigre partie. Attends un peu. Alexis, t'as plus de son. T'as plus de son. Ben, okay. Nous autres, on t'entend, là, mais sur le chat, t'entends pas sur le... Nous entendez-vous dans le chat? J'entends toujours Alexis. Non, nous autres, c'est... Moi, je l'entends, oui. Oui, ben, bon, OK. Alexis, parle donc. Bon, on m'entend? Ben, c'est peut-être juste un bug sur votre Safari, donc essayez de faire un refresh de votre page, peut-être ça va fonctionner. Je parle à ceux dans le chat, là, ceux qui voyaient Alexis gelé, là, mais... Ouais, faites un refresh. Moi chez nous, je bouge encore. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc c'est ça. Fait que vu que les majors rachètent des jeux pour une vingtaine de dollars, les revendent pour une quarantaine, en fait, ils donnent pas grand-chose, là. les compagnies de jeux font « Ouais, mais moi, je fais pas une scène sur cette seconde revente-là. » Je pense pas qu'ils devraient en faire. Ce n'est pas eux autres qui tiennent l'inventaire. C'est pas eux autres qui mettent en place le système pour racheter. S'ils nous donnaient une façon... Non, même pas. T'sais, si je pouvais payer 10$ pour envoyer le jeu à Jean-François... Non. Non, même pas. Je te donne le jeu si je l'ai physiquement, puis that's it. C'est comme... on tombera pas dans les jeux vidéo encore, dans les DRM, là, il y a assez de podcasts pour ça. Mais je veux dire, si mettons, moi je te donne un jeu, mettons, Modern Warfare 3, mettons. Puis tu veux jouer à la portion multijoueur sur Internet. Ouais. Ben, faut que tu payes, là. Ouais, il faut que j'aille payer, je sais pas quoi, le EA, whatever. Je sais pas c'est combien, là, mais faut que t'ailles payer, là. Fait que c'est comme... C'est une dizaine de dollars. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, dans les prochaines versions de console, je pense pas que à cette heure, ça va être un CD par console, puis merci, bonsoir. Tu sais, tu vas rentrer ton CD dans ta console, elle va être enregistrée, puis mettons, je m'en vais chez vous, je pourrais pas mettre mon CD parce qu'il est enregistré avec ma console, pas la tienne. Ben, à la limite, s'il y avait un système pour dire « Je peux-tu aller chercher mon save game? Je peux-tu aller chercher mon personnage sur le cloud? » Ben là, ça serait intéressant. Là. Tu sais, tu te montes un personnage, puis tu le ramènes sans avoir nécessairement besoin de le remonter. Tu peux le faire. Carte mémoire à 40$. Non, non, tu peux le faire, ça, sur la Xbox. Okay. Tu sais, mettons, moi, je m'en vais chez vous, puis je me log sur ta Xbox avec mon nom, mon mot de passe. Je vais avoir tous mes settings, tous mes jeux, toutes mes affaires, là. Mais sauf que, tu sais, les compagnies veulent tellement faire de l'argent qu'oublier ça, là, c'est comme... Voilà. Il y a Chando qui nous demande des solutions pour avoir un line-in sur son MacBook. Air. Air. MacBook Air, voilà. Donc, sur le MacBook Air, si je me trompe pas, il y a au moins une prise d'écouteur. Oui. OK. Il faut savoir que les prises d'écouteurs depuis environ 2009, les prises d'écouteurs dans les MacBooks sont exactement les mêmes que sur le iPhone. Donc, le line-in, le micro que vous pourriez avoir, pourrait être les écouteurs qui sont fournis avec le iPhone et le micro dans l'écouteur fonctionnerait sur l'ordinateur. Par contre, je pense que Chando veut aller un petit peu plus loin parce que c'est un auteur, compositeur, interprète très reconnu dans sa chambre. Moi, j'ai téléchargé quelques-unes de ses chansons. Et il y a une voix assez particulière donc que je comparerais pas à Mara Tremblay, mais plus au chat de Mara Tremblay sur lequel tu as fermé une porte sur la queue. Donc, l'appareil que Chendo chercherait, c'est un appareil USB qui s'appelle le iMic, qui est fait Griffin, qui est un appareil qui se trouve en magasin entre 35 et 50 $ et qui est un live. Et enregistrer ces vieux vinyles dans l'ordinateur, mais il est possible d'aller brancher quelque chose d'autre dessus et de l'enregistrer dans la machine. Sinon, c'est acheter une carte de son externe. Sinon, acheter effectivement une carte de son externe, ou si c'est juste pour un micro, ben à ce moment-là, ça va prendre un micro USB. Mais dans le iMic USB, il y a une prise Line-In. À partir de ça, là, il pourrait y brancher un certain nombre de choses. Sinon, c'est ça, là, une carte de son, là, si on va chez Steve ou chez Archambault, il va avoir des petites cartes de son soit en USB, soit en Firewire. En Thunderbolt. Hey, charriez pas, là. On a de la misère à se payer un disque dur en Thunderbolt. On commencera pas à se payer une carte de son en Thunderbolt, là. Ça serait malade. Non, ça existe pas, mais non. Mais c'est sûr que ça va exister bientôt, là. Ça devrait. Ça devrait, mais watch out le portefeuille. Mais ça va être pas pire. Ça va être une espèce de gros racking avec tout, plein d'affaires dessus. Puis t'as un petit fil que tu plugues dans ton MacBook Pro. Puis là, t'es grillé. Là, ça n'a pas d'allure. Là. T'as trois racks de trucs électroniques. C'est un monde en soi, ces affaires-là, les trucs électroniques. Là, tu rentres chez Archambault, puis là, ouais, ça se plug sur un ordinateur, mais tu sais jamais lequel choisir, c'est quoi la bonne console. Si Bernard était avec nous, il pourrait nous en dire pas mal là-dessus. Il s'en a acheté pas mal, puis il connaît quand même pas mal ça. Plus pour le podcast que pour le son en général. On essaiera d'avoir quelqu'un à un moment donné pour qui nous parlera de son, puis qu'est-ce qu'il faut voir pour acheter une bonne carte de son. Mais j'espère sinon que ça répond quand même un peu à ta question. Donc, trois façons. Le line-in sur les MacBook Pro, ou en fait sur les portables depuis 2009, la prise d'écouteurs des ordinateurs à Apple a le troisième connecteur, là, si on regarde, là, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a trois lignes sur mon écouteur ici. Et c'est sûr que c'est difficile de mimer en audio. Là. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Pour ceux qui vont écouter ça en audio, vous verrez pas grand-chose. Chaque côté. Et le troisième, c'est pour le micro. Donc, ouais. Le casque que j'ai, c'est un casque micro pour le iPhone, dis-je. Et à ce moment-là, il est fonctionnel. Deuxième façon, avec le iMic. Troisième façon, avec une carte de son externe ou, à ce moment-là, un casque d'écoute USB. Voilà. On avait des questions? Oui, on a... François Lavigne? Ici. Ah. François Lavigne. Vas-y. Oui, François Lavigne qui nous demande sur Mac Québec en trade. Moi, j'ai un iPhone 3 puis je n'ai plus la fonction du Wi-Fi dans la section réglage. Tout ce que je vois, c'est l'icône Wi-Fi et la mention écrite à côté, pas de Wi-Fi. Comment puis-je régler mon problème? Merci beaucoup. Première chose que tu ferais, Jeff, ce serait quoi? Je restaurerais mon téléphone. Il n'y a pas quelque chose que tu essaierais avant ça? J'y ferais un hard reset. Oui, il y a ça qu'on pourrait faire. On pourrait peut-être aussi réinitialiser les paramètres réseau. Aussi. Oui, faire un reset des network settings. Donc, ou si vous voulez, avec un char par-dessus, aussi, très bonne idée. C'est une chose d'avoir parti l'antenne. Ouais, ça devrait reconnecter l'antenne Wi-Fi. Dans le doute, briser le variomètre. Puis là, j'imagine vous comprenez pas du tout la référence, mais si jamais il y a des pilotes dans la salle, je suis sûr qu'ils vont comprendre. Ouais. Y a-t-il un pilote dans la salle? Ouais, c'est ça. Y a-t-il un pilote dans le podcast? Il y a 30 participants. Puis toi, tu as déjà ta licence de pilote. C'est déjà beau, tu sais. Fait que c'est clair que tu sais, il n'y en a pas d'autres. Là, il y a comme une personne sur 5000 qui sait piloter quelque chose d'autre qu'un hélicoptère téléguidé. Je vais vous expliquer la référence après. Mais pour revenir à la question, oui, il faudrait réinitialiser les paramètres réseau. Donc, puis après ça, si ça ne fonctionne pas après le démarrage, c'est peut-être l'antenne Wi-Fi qui est comme capote. Fait que... C'est... si c'est un 3G à ce moment-là, il n'y a plus de, il y a plus vraiment de... Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus vraiment de réparation, mais il y a peut-être des gens qui font des réparations, qui pourraient commander la pièce et le faire. Mais chez Apple, c'est un produit, je pense, qu'ils ne font même plus le service dessus, là. Ah, peut-être. Ils le vendaient encore l'année passée. 3GS? Ouais, 3GS. Mm. Mais peut-être, peut-être qu'ils font encore le service dessus. Bref, un hard reset, ça se fait en tenant le bouton de fermeture qui est au-dessus de l'appareil et le bouton home enfoncé quelques secondes. Après quelques secondes, vous allez avoir une bande rouge qui va apparaître en haut. Continuez, tenez les boutons et puis l'appareil va se fermer de lui-même après quelques secondes. Ça, ce serait un hard reset. La deuxième chose que vous pourriez faire, ce serait un reset des paramètres réseau. Ça, on va aller dans Général. C'est en bas. Et vous allez avoir la rubrique réinitialiser. Et dans la rubrique réinitialiser, vous allez avoir réinitialisé les paramètres réseau. Donc, ça devrait. Ça pourrait régler le problème. Jeff, je ne sais pas si tu entends la même chose que moi. Là. J'entendais Alexis vraiment mal. Ouais, non, ça comme, c'est comme Skype là, qui fait des siens, je pense. Là. Ouais. Possible. Ça fait, je pense, une quatrième. Ça fait quatre fois que ça arrive. Mathieu T, JF, j'ai remarqué que tu restes pas loin de où j'ai grandi et habité. Ah. J'en parlerai après le podcast. Ben oui, tu me parleras de ça sur Twitter. Voilà. Sinon, en fait, ben, on aime, moi, j'aime souvent en parler, mais il y a la compagnie Zone Acro sur Sainte-Catherine, qui est tout près de Saint-Laurent, qui fait la réparation d'appareils téléphoniques, des iPhones. Ils font aussi de la réparation de consoles de jeux vidéo et autres. Donc, ils sont super gentils, Martin là, et William là-bas. Vraiment, toujours des bon service. Sur ces consoles. Voilà. Ils vendent des cartes à R4 pour les Nintendo 3DS aussi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, c'est ça. Vous n'avez rien compris. C'est pour rouler Linux. En 1080p. Voilà. En 1080p, puis en 3D, c'est la 3DS, n'oublie pas. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Sinon, ben on va se voir pour un podcast à Québec la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a eu des nouvelles au niveau du jailbreak. JF, t'es-tu au... Ouais, mais notre ami... I'm Reload, mais celui qui a découvert les nouvelles failles du jailbreak de iOS 5 pod 2G qui est un français. OK. A découvert cette semaine comment jailbreaker le 5.1 et même le 5.1 untethered. Ouais, untethered et même le 5.1.1 qui serait sorti sous peu untethered. Fait que ça reste à voir. On n'a pas parlé, mais il y a une mise à jour qui est sortie cette semaine aussi. Ouais, il y a une mise à jour 5.1.1. Non, mais je pense que Vincent parlait de 10.7.4. Non, 5.1.1. Ah, OK, oui. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle réglait, la 5.1.1? Elle réglait des problèmes avec la caméra, le HDR, puis le problème aussi de... Voyons, dans Safari. Ouais, là, l'affaire dans Safari, que tu voyais la ligne de code en haut, là. OK. Ah, ça, je sais pas. Ouais, je sais qu'il y a quelques mises à jour au niveau de la sécurité. Puis, il y a. Ouais, à vrai dire, caméra, ça a rien changé fuck all là, au système. Là, faut que... Ça corrige des problèmes, mais la batterie, elle reste tout le temps la même. Là, c'est comme... Il y a eu un petit vidéo aussi qui disait que ça activait Siri sur le iPad 3, mais ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Comment on fait je pense qu'on l'avait pas expliqué, mais comment on fait pour. Activer la reconnaissance vocale sur un iPad 3? C'est dans clavier. Donc, tu vas dans les préférences système et tu vas dans clavier et t'actives dictée. La problématique que à peu près tout le monde va avoir, c'est que le clavier qu'on a tous sur nos iPads, c'est le clavier français-canadien. Et ce qu'il faut faire, c'est aller le changer pour un clavier français. Mais dire que ce clavier-là, c'est un clavier QWERTY Et dans une liste qu'il y a en bas, allez lui dire que c'est le clavier français-canadien. Auquel cas, les accents vont être à la bonne place, le clavier va être en QWERTY et le bouton de micro nécessaire pour la dictée va apparaître à ce moment-là. Je voulais d'ailleurs, et je vais probablement, vu que mon micro et tout ça sont branchés, je vais probablement essayer de faire une vidéo ce soir pour montrer. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Siri et il faut savoir lui parler. C'est un logiciel qui est en bêta. C'est un logiciel... ben non, ça fait pas un an. C'est sorti en octobre passé, donc ça fait 6 mois. C'est en bêta. Apple nous avait dit qu'il allait améliorer la reconnaissance vocale en arrière-plan, mais il n'y a rien vraiment qui a été fait de ce côté-là. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles à la WWDC avec iOS 6, peut-être. Moi, je dis qu'il n'y aura pas. Ouais. Tu penses qu'il n'y aura pas quoi? Il n'y aura pas d'iOS 6. Non? Non. Plus, non. C'est trop pense qu'ils vont faire un 5.5 quelque chose, là, un 5.2. Là, mais je pense pas qu'il va y avoir de iOS 6. Là. Non, parce que ouais. Sinon, dans 2 ans, on va être rendu à iOS 7 ou 8. Puis, je veux dire, c'est beaucoup trop vite. À un moment donné, dans 10 ans, on va être rendu à quoi? Tu sais, on va être rendu à 20 ou ils vont avoir une espèce de... d'autres versions, je pense que ça va un peu trop vite. Ouais, mais c'est comme aussi... C'est pas Chrome. C'est ça, Chrome, je suis rendu à la version 21, là. Moi, juste pour vous dire, là, en 2 semaines. Okay. En 2 semaines, version 21. Peut-être qu'ils vont l'appeler juste iOS. Le nouveau OS. Le nouveau iOS. Ouais. Le nouveau, the new iOS. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais je pense pas qu'il va y avoir de... Moi, en tout cas, là, moi, je pense pas qu'il va y avoir de iOS 6, comme Vincent dit, trop tôt. Moi, je pense qu'il va en avoir un. Ah ouais? Ouais. Fait que on va aller s'ostiner chez M. Ducharme. Ouais, mais s'il y en a un, sont mieux de faire la refonte au complet, parce que... S'il y en a un, là, je pense qu'il sortira... Ben, je suis sûr qu'il sortira pas, de toute façon... au mois de juin. Ils vont le sortir au mois d'octobre. Si jamais ils faisaient une annonce, hein, ils vont dire disponible. Ah oui, probablement. Ouais. Probablement, oui, avec le nouveau iPhone. Oui, c'est ça, avec le nouveau iPhone, parce que demandez-vous pas que ça va être un iPhone 5, là, ça va être le nouveau iPhone. Oui. Ben oui, je pense que. Mais il n'y a pas quelque chose qui est sorti comme quoi il est en train de faire des tests ou. Non, c'est bon. iPhone Next, non, je pense pas non plus. Le Galaxy OS. Non, je pense pas, non. Fait que c'est ça. Je pense pas non plus. Nouveau iPhone. On va commencer par Mountain Lion. Ah. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on... iPhone 10, oui, c'est ça, exactement. iPhone, oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que Dean serait fourré et qu'il en rachèterait. Ah, peut-être. On voulait parler aussi vite, parce que c'est hier, je pense, que parce que moi, je l'ai pas, cette mise à jour-là, là, mais 10.7.4 est sorti. Quelqu'un peut me corriger, c'est hier? Hier ou avant-hier, okay. Cette semaine, Apple ont sorti la 10.7.4, qui corrige beaucoup de bugs surtout au démarrage. Je pense qu'Alexis avait un problème, là, je me souviens pas. C'était quoi ton problème au démarrage, toi? J'avais pas de problème avec 10.7, je suis en 10.8, moi. Ah, c'est qui? Ouais, c'est pas toi d'abord que j'ai vu. En tout cas, fait que c'est une autre personne. Mais on voulait parler parce qu'on a vu, on a jasé cette semaine avec... c'est qui, donc, Alexis? Avec qui qu'on parlait de ça, le Delta ou le Combo, là? Ben, moi, j'ai eu plusieurs personnes sur mon truc qui m'ont posé la question, là. Mais il y a mon bon ami Safe Solvent qui me demandait pourquoi je suggérais de prendre la Combo. La mise à jour Combo plutôt que la Delta. Qu'est-ce que ça veut dire, Combo et Delta, peut-être pour commencer? Ben, la mise à jour Combo, c'est si, par exemple, vous faites l'installation de 10.7.0 et que vous voulez passer à 10.7.4, ben, vous téléchargez la Combo 10.7.4 et là, là-dedans, il y a toutes les patchs. Donc, il y a 10.7.1, 10.7.1, puis 10.7.3 et 10.7.4, évidemment, dans la même patch. Alors que la mise à jour Delta, c'est une mise à jour qui fait juste passer, en fait, qui fait juste changer les fichiers nécessaires pour passer de la, par exemple, dans ce cas-ci, 10.7.3 à 10.7.4. Donc, si, par exemple, il y a eu ça arrive de temps en temps quand vous faites une mise à jour Delta. Il pourrait y avoir des fichiers qui ne se sont pas installés correctement, qui ont causé des problèmes. Les permissions n'étaient pas bonnes. L'ordinateur ne vous a pas donné la permission de changer ce fichier-là. Puis peut-être que c'est un fichier un peu nono, que bon, c'est une ressource que l'ordinateur n'utilise pas beaucoup. Fait que vous ne rencontrez pas le problème nécessairement tout le temps. Mais si vous utilisez la combo, ben il va réinstaller si ce fichier-là, par exemple, dans 10.7.4 n'a pas été changé, bien, ils vont quand même changer le fichier. Ils vont mettre celui de la version 10.7.3, alors que vous, peut-être que vous êtes encore pogné avec celui de la 10.7.1. Je sais pas si je suis clair ici. Je sais pas si... Oui, t'es clair. Oui, oui, okay. Très clair. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on disait d'essayer d'utiliser le combo plutôt que le Delta. C'est plus safe, en fait. C'est plus safe, mais c'est plus long aussi. Oui, voilà. C'est plus, quand vous installez, mettons, de 10.7.3, vous voulez aller à 10.7.4, c'est très long. C'est vraiment long afin de faire la mise à jour complète, parce que faut qu'il efface tous les fichiers au complet qu'il y avait. Faut qu'il les réécrive à grandeur au complet. Fait que c'est vraiment long, là. Mettez un bon 15 minutes environ, là. Fait que... Je dis grosso modo comme ça, là, mais c'est très long. Là. Mais en tout cas, moi j'ai toujours fait ça, j'ai tout le temps pris le combo, fait que j'ai jamais pris le Delta. J'ai jamais passé par le software update. Puis ça a toujours bien fonctionné. Là, fait que... Moi j'ai toujours passé par le Delta, puis ça n'a jamais eu de problème. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est une des fonctionnalités dans iOS 5 qui est arrivée, dont on n'a pas nécessairement beaucoup parlé, c'est la mise à jour Delta des applications, ce qui fait qu'on n'est plus obligé de retélécharger 1.4 GB à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'un jeu ou d'une affaire. Ça, j'aimerais ça que oui, ça... Oui, Jeff? Non, mais c'est comme tu disais, là, les mises à jour Delta de jeu, là... Ça, ben, il l'a... Il l'a actuellement dans 10.5, oui. Pas 10.5, dans iOS 5, où c'est seulement pour le système d'exploitation qu'il y a les mises à jour Delta? Ah, oui. Okay. Ah, justement, c'est ça, je voulais parler. Parce que cette semaine, quand ils ont sorti 10. Mais non, il l'a pas pour les applications des ou les jeux. Là, ça arrivera pas. Ça arrivera pas, là. Fait que ça va... En tout cas, c'est comme cette semaine, quand 5.1.1 est sorti, j'étais à job quand j'ai vu ça. Puis, tu sais, mon fichier, moi, de update, il faisait 47 MB. Mais on sait maintenant qu'Apple ont permis jusqu'à 50 MB de télécharger en 3G, hein. Tu ne peux pas changer. Tu peux pas télécharger le 47 MB en 3G. Il ne le permet pas. Il dit que c'est obligatoire en Wi-Fi. C'est un peu plate, là. Je m'en fous, là. Je m'en allais chez nous. De toute façon, c'est pas bien grave, là. Mais je dis, mais si c'était juste 47 MB, là, vierge, passez-nous les, là. C'est comme. 47 MB, puis normalement, la version, c'est 750 quelques MB. Ouais, à peu près, ouais. C'est ça, la version complète, là. Fait que. Je pense que la pression de ça, c'est pas Apple qui empêche de le faire. C'est pas Apple qui empêche que FaceTime fonctionne sur le LTE. J'ai l'impression que c'est des demandes qui sont faites par les compagnies fournisseurs qui veulent pas qu'il y ait autant de données ou un gros burst de données comme ça qui passe sur leur ligne. Je pense pas qu'ils ont autant de pouvoir que ça. Parce que sinon, s'il y avait autant de pouvoir que ça, je pense que le tethering serait même pas encore là. Je suis sûr qu'il y aurait des options, des petits coups-chiens comme ça qui auraient pas, qu'il faudrait payer pour avoir, parce que je pense vraiment qu'il se plie en quatre, mais il essaie de coopérer le plus possible pour avoir Apple toujours de leur côté. Mm-hmm. Ben, c'est mon opinion. D'ailleurs, je pense... D'ailleurs, je pense que ça a de l'allure. Moi, je disais ça comme ça, là, mais pour essayer de d'enlever un peu de shame sur Apple. Je veux juste revenir rapidement sur... Tu parlais de mise à jour Delta qui pourrait être dans une application régulière. Donc, un développeur développe, comme moi, une application, mais si je veux faire une mise à jour, puis c'est juste un fichier, je le modifie. Puis moi, je pense que, à moins que Apple sorte un logiciel inclus ou une espèce de mise à jour, une préférence dans Xcode pour ça, disant quel fichier a été modifié depuis la dernière fois, là, je pense qu'il pourrait y avoir une modification, parce que sinon, si moi je modifie quelque chose, puis dans le système, il y a une modification qui se fait, un nom, changement de nom quelconque, puis que moi je m'aperçois pas de ce changement-là, mais je fais tout le reste, puis c'est juste un fichier que j'ai modifié, mais je modifie un fichier, puis le nom, je sais pas, quelque part d'autre dans le système, ça change, mais je me rends pas compte, puis je fais la mise à jour juste avec ce fichier-là, mais ça peut tout scraper l'application. Donc, c'est sûr que s'il y avait une préférence ou quelque chose qui m'indiquait, ah, ok, ben, il y a deux fichiers, tel fichier, qui a été modifié depuis que tu l'as ouvert, là, ce serait intéressant, puis là, il y aurait une mise à jour, il y aurait peut-être juste une mise à jour Delta, mais s'ils font pas ça, je pense pas. Ça arrivera jamais, là. Tu sais, on est un peu dummy parce que dans la programmation, il y a tellement d'affaires dans le logiciel que si jamais il y a des affaires qui se fait pas automatiques, je veux dire, il y a des petits codes qui peuvent faire fonctionner toute l'application ou la faire scraper au complet. Fait que dans ce cas-là, je pense pas, à moins que justement il y ait un outil spécifique dans Xcode d'ajouter. Excellent. Je pense que c'est ce qui va mettre un terme à notre épisode de ce soir. On est parce quand même que j'ai à plus une de heure. Tu peux pas te plugger? Ouais, il faut que j'aille le chercher, il est dans le salon. D'accord. Ouais, je vais aller le chercher. Donc, où on peut te trouver sur les internets, Jean-François? On peut me retrouver sur Twitter à jfroy1979. Oui, et voilà. Fait que. Sont toutes. Je les avais écrits avant le show, fait que tous nos noms sont là. Fait que toi, Vincent, on peut te rejoindre où? On peut me voir sur les Twitter à DEVVMiller. Puis sur mon site web vmiller.ca si vous avez des applications à développer. Ou si vous avez des bugs pour Mac Québec, vous pouvez envoyer des courriels à Mac Québec. On en reçoit, là, on sait qu'il y a un problème de feed, puis il y a des virus ou peu importe, là. Il y a des messages d'erreur. On est en train de travailler là-dessus. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Et non, Alexis avec un E, comme j'étais sur le site de Crapule cette semaine. J'ai demandé de le changer. Vous pouvez aussi me retrouver devant mon iPad à lire frénétiquement toute la série de Planet Hulk que je suis allé me chercher parce que c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié. Il faut dire qu'il vole la vedette dans The Avengers, hein? Ah oui. Ouais, c'est bon. Dès que la première fois il se transforme là, avec la veuve noire, là, c'est comme aïe aïe. Là. Mais il est-tu bien fait? C'est comme. Il est bien fait. C'est pas juste la force brute. Il a réussi à montrer dans le film comment il est capable de faire émaner la peur. Tu sais, la veuve noire est comme. Pas capable, là. Elle est stalkée, là. Sont obligés. Furry, il l'appelle 3-4 fois, puis elle est comme d'un vape parce qu'elle pensait mourir, oh, ouais. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment la peur que le personnage met dans le cœur du monde, tu sais. Ben, c'est plate qui meurt à la fin, là. Hulk, il meurt pas, il est invincible, il est immortel, il ne se tue pas. Non, effectivement. Fait que regarde les BD. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est l'humour qu'ils ont. Ah, c'était carrément, là. Pendant tout le film, tu sais, juste le fait que. Puis là, je coupe rien, mais à un moment donné, il y a un des autres personnages qui est à côté de Hulk, puis là, ils viennent de finir la job, puis là, tu vois, Hulk, qui fait juste se retourner, puis il frappe, là. Juste comme. Il se retourne pas. Il lève le poing, puis l'autre, il revole, mais trop solidement. C'est ça, tu t'en rends pas compte, c'est drôle. Ouais. J'ai tellement ri de ce bout-là, je me suis fait mal aux côtes. Là. C'était juste trop puissant et bien placé. Juste avant de partir, on aimerait, pour les 22 participants qui restent, en fait 22 moins 1, puis ceux qui ont pas, moins ceux qui ont voté, mais notre mère à tous, celle qui est derrière Mac Québec et Mauclair, participe au concours créateur d'avenir. Et bien pour aller voter pour elle. Regardez pas les autres participants. Là. C'est sûr qu'il n'y en a pas d'aussi compétents qu'elle. Croyez-nous, cliquez là-dessus, allez voter pour. Puis nous, on veut évidemment qu'elle gagne. Je pense qu'elle n'est pas à la première position, mais elle n'est pas dernière non plus. Là. Non. Donc, allez-y, votez en grand nombre. Téléphonez à votre mère, votre facteur, votre esthéticienne. Let's go, on pousse pour Kim. Deux pièces par appel. Voilà. C'est ce qui met... La semaine prochaine pour un podcast Mac Québec et un amateur de Mac Bonsoir, c'est une grosse semaine. Voilà, il va falloir aussi commencer à parler de vacances pour cet été. Quand est-ce qu'on ralentit? On n'arrêtera pas complètement, mais peut-être qu'on va ralentir un peu pour cet été. On va peut-être espacer un peu plus. Voilà. Donc, on va passer aux 2 mois à peu près. Peut-être toute la gang aux 2 semaines. Ou un par semaine. Ouais. On verra. On va checker. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. Oui. Ciao. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Bye. Bye-bye. Et voilà, on est hors ligne.